Chapitre 5e. Avant de quitter Paris, il envoie une dépêche à sa femme. « Je rentre à Elbeuf. Partez pour le Thuy. Invite Michel à passer la journée de demain avec nous. » Telles qu'étaient les habitudes de la maison, une dépêche de ce genre voulait dire qu'après la paye, la famille montait dans la vieille calèche et s'en allait au Thuy. Pour lui, il trouvait la charrette à la gare, à l'arrivée du train de Paris, et rejoignait les siens. Par ce moyen, la maman ne se couchait pas trop tard, et le lendemain on s'éveillait au chant des oiseaux, avec de la verdure devant les yeux, en pleine campagne, ce qui était plus gai que l'impasse du Glaïeul, ou s'il y avait eu des Glaïeuls autrefois, ainsi que le nom l'indiquait, on n'y trouvait plus depuis longtemps, en fait de couleur gaie, que celle de l'indigo, et en fait de parfum, que sa senteur douceâtre. Les choses s'exécutèrent comme il l'avait demandé. À 7 heures, la maman, Madame Adeline, Berthe et Léonie, partirent pour le Thuy, et quand il descendit à 9h30 à la gare, il trouva la charrette qui l'attendait. Une heure après, il arrivait au Thuy, et à la lueur d'une lanterne, il voyait sa femme, sa fille et sa nièce venir au-devant de lui. « Quelle bonne surprise !» dit Madame Adeline. « Il n'y aura pas séance lundi, j'ai pu revenir, » dit-il, pour expliquer ce retour sans que sa femme s'en étonnât. « Comme tu es gentil d'avoir pensé à inviter Michel pour demain, » dit Berthe en se serrant contre lui. « Tu es contente ? Oh, cher papa !»« Eh bien moi, je suis heureux de te voir heureuse. »« Si elle est contente, » dit Léonie, qui tenait à placer son mot. « Elle a sauté de joie, comme un temps t'as lu ta dépêche. « Veux-tu bien te taire, petite peste ?» s'écria Berthe. Comme à l'ordinaire, on lui avait servi un souper froid dans la salle à manger, où le feu avait été allumé, bien qu'on fût déjà en avril, mais il ne voulut pas se mettre à table. Il avait dîné avant de quitter Paris. Au moins, le dit-il. Quand il arrivait au Thuy à 7 heures, il n'entrait jamais dans la chambre de sa mère, car la maman s'endormait aussitôt qu'elle se mettait au lit, et il lui réveillait. C'était le lendemain seulement qu'il allait lui dire un bonjour matinal. Il en fut ce soir-là comme il en était toujours, et le lendemain matin, quand tout le monde dormait encore dans le château, il frappa à la porte de la chambre que sa mère occupait au rez-de-chaussée. Justement, parce qu'elle s'endormait aussitôt qu'elle se couchait, la maman se réveillait tôt et n'y avait pas à craindre de troubler son sommeil. « Entre, » dit-elle. Après qu'il l'eut embrassée dans son lit, elle lui demanda d'ouvrir les volets. « Que je te vois, » dit-elle. Il fit ce qu'elle désirait, et les rayons obliques du soleil levant emplirent la chambre de leur claire lumière rosée. Il revint s'asseoir auprès du lit en faisant face à sa mère. « Comment vas-tu » demanda-t-elle en le regardant. « Je vais comme toujours. » Elle l'examina longuement. « Tire donc les rideaux, » dit-elle, « et laisse la fenêtre ouverte. Je ne te vois pas bien. »« Ne vas-tu pas avoir froid ?»« Il fait un temps superbe. » »« L'air vif. Va donc. » Il obéit et revint prendre sa place, décidé à aborder l'entretien décisif qui devait assurer le mariage de Berthe. « Comme tu es pâle, » dit-elle en le regardant de nouveau, « comme tes traits sont contractés, tu n'es pas bien, mon garçon. Mais si, il ne faut pas me démentir. J'ai encore de bons yeux quand il s'agit de toi. Quand tu étais petit et que tu devais être malade, je le voyais avant tout le monde, avant ton père, avant le médecin. Je leur disais, « Constant va avoir quelque chose. » Je ne me suis jamais trompé. Les mères ont des yeux pour lire dans leurs enfants. Qu'est-ce que tu as ? Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça ne va pas. Pendant les 15 jours que tu viens de passer avec nous, j'ai bien des fois remarqué que tu étais tantôt pâle, tantôt rouge, sans raison. Il y avait des instants où tu étouffais, d'autres où tu n'entendais pas ce qu'on te disait. À mesure que sa mère parlait, une idée s'éveillait dans son esprit, qui, lui semblait-il, devait assurer le mariage de Berthe. « Il est vrai, répondit-il, que je suis très tourmenté, par tes affaires, par l'état de ma santé et par le mariage de Berthe. « Qu'est-ce que tu as, mon garçon ? » demanda-t-elle d'un accent attendri. « À qui parleras-tu, si ce n'est à ta mère ? » « J'aurais voulu t'éviter un grand chagrin. Demain, dans une heure, je peux être mort. Qu'est-ce que tu me dis là, toi, mon Constant ? La vérité ?» Il a pensé que je peux partir sans que la vie de Berthe soit fixée, sans que son bonheur soit assuré, mais une angoisse. « Mon pauvre enfant, est-ce possible, mourir, à ton âge ? Si je n'étais pas sûr de ce que je dis, t'en parlerais-je ? Mais qu'est-ce que tu as ? » Il hésita un moment. « Un anévrisme. » « Mais on vit avec un anévrisme, le père Rosefray, qui en avait un, est mort à 80 ans passés. » « Il y a anévrisme et anévrisme. Ce que je sais, c'est que demain, je peux être mort. Tu penses bien que je ne te le dirais pas, si je n'en étais pas sûre. « Oh, mon Dieu » murmura-t-elle en sanglotant. « Mon fils, mon cher enfant !» L'émotion d'Eldine était poignante, et la douleur de sa pauvre vieille mère lui brisait le cœur. Mais ne fallait-il pas qu'il parlât ainsi? Cependant il faiblit et se penchant sur elle. « Sans doute, je peux vivre, dit-il, mais je serais plus tranquille, je me trouverais dans de meilleures conditions si je n'étais pas tourmenté par cette pensée du mariage de Berthe qui m'enfièvre. « Tu serais plus tranquille, murmura-t-elle comme s'il se parlait à elle-même, tu serais dans de meilleures conditions. Tu sais que pour cette maladie les émotions sont mauvaises et que les chagrins aggravent le mal. » De la main, elle lui fit signe de ne pas parler et se tourna à demi vers une image de la Vierge fixée au mur contre lequel son lit était appuyé, elle parut lui adresser une ardente prière, puis, revenant vers son fils, « Ta tranquillité, ta vie avant tout, dit-elle. Fais ce mariage. » Il la prit dans ses bras et resta longtemps sans trouver autre chose que des mots entrecoupés. « Une mère donne sa vie pour son enfant, dit-elle. Elle doit peut-être aussi donner son salut. Mais ce n'est pas à moi que je dois penser, c'est à toi. Tu seras plus tranquille. Allons, regarde-moi, et que je ne te vois plus ces yeux inquiets. » Elle voulut qu'il parlât de sa maladie, mais comme il se montrait mal à l'aise, elle n'insista pas pour ne pas le tourmenter. « Va te promener dans le jardin, dit-elle. L'air te fera du bien et te calmera. Maintenant, tu vas être tranquille. » Comme sa mère le lui disait, il se promena dans le jardin. Mais se calmer, le pouvait-il, quand à chaque pas, il se répétait qu'il fallait qu'avant le soir, il en eût fini avec la vie, qui aurait pu reprendre un cours si heureux. En lui, autour de lui, tout protestait contre cette idée de mort, le bonheur de sa fille qu'il ne verrait pas, et le printemps qui, dans ce jardin, s'épanouissait plein de fleurs et de parfums sous le joyeux soleil du matin. Et lui, il fallait qu'il mourût. Sa fille, il allait l'embrasser pour la dernière fois, et aussi sa pauvre mère et sa chère femme. Cette maison qu'il s'était plu à embellir pour finir là ses jours tranquillement. Ces arbres qu'il avait plantés, ces champs qu'il avait améliorés et qu'il aimait. C'était pour la dernière fois qu'il les voyait. Tout, ces quenouilles blanches de fleurs, ces arbustes bourgeonnants, ces boutons verts qui déplissaient leurs feuilles à la lumière, ces oiseaux qui chantaient. Cette odeur de sève parlait de renouveau, de force, de joie, de vie. Et lui ne pouvait pas détacher ses yeux de la mort. Résolu à ne pas la fuir, mais cependant secoué d'horreur. Il y avait longtemps qu'il tournait sur lui-même quand Berthe vint le rejoindre, toute fraîche, toute pimpante, dans sa toilette printanière. « Comment me trouvera-t-il » demanda-t-elle, après l'avoir embrassé. « Tu seras encore bien plus jolie tout à l'heure. Ta grand-mère consent à votre mariage. » Elle se jeta dans ses bras. « Comment tu fais ? » demanda-t-elle après ce premier élan de joie. « Qu'as-tu dit ? Et moi ? » qui malgré tout doutait de toi. C'était de ta grand-mère qu'il fallait ne pas douter. N'oublie jamais le sacrifice qu'elle a fait à ton bonheur. Elle voulut qu'il lui promît d'aller avec elle au devant de Michel, qui devait venir à pied par la Londe et le chemin de la forêt. Et quand l'heure fut arrivée, ils avaient chance de le rencontrer, ils partirent. Il aurait voulu s'associer à la joie débordante de Berthe, rire comme elle, lui répondre. Mais il y avait des moments où, malgré ses efforts, il restait silencieux et sombre, ne l'entendant pas, ne la voyant même plus. Ils n'allèrent pas bien loin dans la forêt, comme ils approchaient d'un carrefour où se croisaient plusieurs chemins. Ils aperçurent Michel assis sur un tronc d'arbre couché dans l'herbe. « C'est comme cela que vous vous dépêchez ?» lui cria Berthe. « C'est justement parce que je me suis trop dépêché que j'attendais qu'il fût l'heure d'arriver convenablement, » répondit Michel en venant vivement au-devant d'eux. « Si vous aviez su, » dit Berthe. Michel la regarda surpris. Alors Adeline lui prenant la main, la mit dans celle de Berthe. « La maman donne son consentement, » dit-il. « Dans un mois, vous pouvez être mariés, mais aujourd'hui même, vous l'êtes pour moi et par moi. Embrassez-vous, mes enfants. » Il voulut que Berthe donnât le bras à son mari, et il les fit marcher devant lui en les regardant. Et à se dire qu'elle serait heureuse, il se sentait plus courageux. Pour elle, au moins, sa tâche était accomplie. Léonie avait passé sa matinée à cueillir des fleurs, et la table en était couverte, mais ces fleurs, pas plus que les sourires de sa fille, la joie de Michel, le bonheur de sa femme, ne pouvaient soutenir Adeline, qui à chaque instant restait immobile, à regarder les minutes fuir sur le cadran de la pendule. Alors la maman se disait, Le bonheur même de sa fille ne peut pas l'arracher à la pensée de sa maladie. Et pour essayer de le distraire, elle racontait des histoires de jeunesse, de mariage. Elle se faisait aimable avec Michel. Dans l'essieu de la conversation, Michel demanda à Adeline ce que c'était un journal appelé L'Honnête Homme. « Mon oncle, mes cousins et moi, nous en avons reçu chacun un exemplaire. Il annonce une étude sur les cercles, avec des portraits que chacun reconnaîtra. Vous me mettrez les noms sur ces portraits, n'est-ce pas ?» Adeline avait pâli, et en sentant les yeux de sa femme posés sur lui, il n'avait pas tout de suite trouvé une réponse. « Je pense que c'est un journal de scandale et de chantage, » dit-il enfin. « Je ne crois pas que ces portraits aient de l'intérêt. » Michel n'insista pas. Au fait, que lui importait l'honnête homme ? Il n'en avait parlé que par hasard. Après le déjeuner, Adeline voulut montrer les bâtiments de la ferme à Michel, et en causant d'un air indifférent, il demanda au fermier s'il avait toujours à se plaindre des lapins. « Les lapins ? N'en parlez pas, monsieur Adeline. Ils me mangent tout mocossard. Si on ne les panote pas, ils n'en laisseront pas. Eh bien, vous les panoterez la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous en tuer quelques-uns à coups de fusil. « Oh, papa, » dit Berthe, « pendant que vous vous promènerez, vous me prendrez au retour. » Il alla chercher son fusil, et tandis que la maman, Madame Adeline et Léonie restaient au château, il prit avec Berthe et Michel le chemin du parc. Ils ne tardèrent pas à arriver à la pièce de colza ou de cossard, comme disait le fermier. « Je reste là, » dit-il, « promenez-vous et n'ayez pas peur des coups de fusil. » Comme ils allaient s'éloigner, il rappela Berthe. « Embrasse-moi donc, » dit-il. Le lendemain, les journaux de Rouen annonçaient en termes émus et respectueux la mort de M. Constant Adeline, l'éminent député de la Seine inférieure, le grand industriel elbeuvien. En chassant les lapins dans son parc, il avait commis l'imprudence de prendre son fusil par le canon en sautant un fossé, et le coup qu'il avait frappé à bout portant à la tête l'avait tué raide. Ainsi s'achève Baccarat par Hector Malot.